Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Bonsoir les Vosges, bonsoir l'Alsace qui nous écoute, qui s'est manifesté pour l'émission de ce soir. D'ailleurs, le sujet de cette émission va vous intéresser parce que l'association qui est avec moi ce soir est alsacienne. Et oui, je l'avais annoncé hier soir dans mon émission et plus tôt dans la journée sur la page Facebook. On reçoit l'association Le 68e Impérial avec Arwen, Johan et Martin. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir Lou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on fait les choses dans un certain ordre, dans l'heure des loups, les auditeurs sont habitués. Avant de me concentrer sur l'association et l'événement que vous proposez, parce que oui, il y a un événement, et en plus pas très loin de chez nous, à Cernay, le week-end du 15 et 16 décembre. Comme je le disais, avant de commencer par le gros, j'aime bien présenter, dans un premier temps, les personnes que j'ai en face de moi, que les auditeurs sachent un petit peu qui ils écoutent. Parce qu'après tout, oui, vous êtes membres de cette association, tous des êtres humains, à part entière. Alors, après vous avoir présenté, on pourra présenter l'association. Mais Arwen, qui es-tu ? Qui je suis ? Je suis illustrateur. Voilà. À la base, j'ai rejoint le 68e Impérial il y a un an déjà. Et depuis un an, je suis membre actif et je fais partie donc de l'organisation du festival. Oui. Voilà, je m'occupe notamment des exposants et de la communication sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour toi, Arwen, illustrateur professionnel ? Professionnel, oui, depuis un peu plus de 25 ans. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans la mode, j'ai travaillé dans la pin-up, j'ai travaillé aussi dans les comics. Voilà. Ah bah dis donc, sacré parcours ! Et toi, Johan, qu'en est-il de toi ? Alors moi je suis membre de l'association depuis novembre 2015 et j'en suis le président depuis septembre 2017. Donc on m'a passé le flambeau là récemment et c'est une belle aventure. Donc on a maintenant à peu près un peu plus d'une cinquantaine de membres et on organise donc l'événement pour lequel on est là ce soir, donc pour parler de la SF Connexion et aussi pour parler de toutes les œuvres caritatives qu'on soutient, auxquelles on participe, etc. Et toi, Martin ? Donc, moi, ça fait aussi un petit peu plus d'un an et demi que j'ai rejoint l'association et un petit peu plus maintenant dans l'organisation de l'événement avec le pôle bénévole, en fait. Hein. Donc, je m'occupe de gérer tous les bénévoles qui seront présents sur le week-end. Je sais pas assez près du micro, désolé. Non, en effet, mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Pas de souci. Alors, voilà, vous trois, comme on le disait, vous êtes membres de l'association... Le 68e Impérial, pardon, j'ai eu un trou. En effet, tu l'as dit, il y a la SF Connexion 9. Mmh, c'est ça. Qui a lieu le week-end du 15 et 16 décembre à l'espace Grune à Cernay. Et justement, le 68e Impérial, il me semble que c'est la première fois que vous venez dans nos locaux. Exact. Est-ce que le président veut bien présenter l'association dans ses grandes lignes ? Alors oui, donc comme je disais, moi ça fait seulement un an et demi donc que je suis président, donc c'est tout neuf pour moi. Et donc pour retracer un peu l'historique du 68e Impérial, donc on est une association qui existe depuis 2003, qui a été créée à Mulhouse. Et donc en une quinzaine d'années d'existence, on a organisé donc pour jusqu'à présent, 8 SF Connexions. Cette année, donc, ce sera la 9e. Donc, la nouvelle équipe, on a pris donc, l'organisation en charge depuis l'édition de l'an dernier. Donc, l'an dernier, ça se déroulait encore dans un lieu historique pour nous à Turckheim. Et depuis cette année, donc, on arrive dans un nouveau lieu qui est l'espace Grün à Cernay. Donc, un lieu qui sera 2 à 3 fois plus grand avec une salle de spectacle. Donc, où on a essayé de voir les choses en plus grand, en un peu plus impressionnant et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animation. Ah bah dis donc, ça donne très envie. Et pourquoi le nom le 68e impérial ? Alors, pourquoi le nom le 68e impérial ? Donc, à la base, cette association elle a été créée autour des fans de la guerre des étoiles. Donc, personne n'avait de costume, c'était juste une simple réunion de personnes pour discuter des films, de tout ce qui tournait autour de Star Wars. Et au fur et à mesure, bah, y en a un premier qui a acheté une armure, un deuxième qui en a acheté une, et tout ça. Donc, bah, ça s'est construit tout autour de Star Wars, cette association. Mais au départ, simplement autour de simples discussions autour des films. Comme tu l'as dit, ça a évolué. Et d'ailleurs, si on s'amuse à surfer sur votre site qui sera indiqué avec le podcast de l'émission pour ceux qui veulent aller voir, on voit les membres de l'association costumés. Alors, vous avez des costumes, mais est-ce que vous faites aussi du cosplay ou c'est juste porter les costumes des personnages de vos sagas préférées ? Je ne sais pas si quelqu'un veut enchaîner. C'est du cosplay en soi, hein, puisque la plupart des costumes sont fabriqués par les membres, ou certains sont achetés en pièces détachées. Mais après, bah, chaque membre va les modeler à sa façon. Donc oui, ça rentre dans le cosplay. Et dans ce cas, vous trois, quels sont les personnages que vous incarnez ? Parce que c'est vrai que j'en ai vu plusieurs. Hein. Bon, tout le monde connaît surtout les... Alors, je ne peux pas dire les trois premiers, en tout cas les 4, 5, 6 de Star Wars, tout le monde les a vus, avec les personnages les plus emblématiques. Alors, j'ai vu qu'il y en a aussi, il y a d'autres personnages, d'autres sagas, je crois, que vous incarnez, aussi même des personnages fictifs. Il en est quoi de vous trois, Martin, qu'on n'a pas trop écouté ? Alors, moi, du coup, bah, je rentre dans la dernière catégorie, c'est-à-dire que j'ai un personnage qui est un petit peu fictif, dans le sens où il n'est représenté que dans les jeux vidéo. Donc c'est un personnage qui s'appelle Revan, qui a grandement inspiré le design actuel du méchant qui s'appelle Kylo Ren dans les derniers Star Wars. Et son look sont assez proches. D'ailleurs, en convention, on rigole souvent quand certains, on va dire, non-fans se trompent entre les deux. Mais voilà, donc moi c'est un personnage que j'ai choisi parce que j'aime beaucoup le personnage en lui-même. Après, c'est sûr, faut pas s'attendre à ce que tout le monde le connaisse, quoi. Non, ça se comprend. Et toi, Johan, excuse-moi. Alors moi, j'en ai plusieurs. Donc j'ai commencé avec un Scout Trooper de l'épisode 6 du Retour du Jedi. Donc c'est les pilotes de motojet sur Endor. J'ai continué ensuite avec un Stormtrooper, donc le classique soldat de l'Empire. Là, j'ai dans une boîte à monter encore un Stormtrooper de l'épisode 7. C'est beaucoup de boulot encore en perspective. J'ai un Star-Lord de l'univers de Marvel, donc un des gardiens de la galaxie. Et là, je suis en train de finir un Captain America également. Ah voilà. Oui, parce que après tout, hein, la base c'est Star Wars, mais ça s'est étendu. Voilà, on a décidé de s'ouvrir à tous les univers de la science-fiction, du fantastique, et pas seulement du Star Wars. Bien, dis donc. Et toi, Arwen, est-ce que tu incarnes aussi un personnage de Star Wars ? Alors, oui, j'incarne un personnage, mais alors pour le coup, il est vraiment fictif parce que je l'ai vraiment customisé à ma façon. Au départ, je voulais faire un Stormtrooper dans le style steampunk. Et puis finalement, je me suis plus axé sur un autre personnage, mais plus féminin, donc de Kylo Ren. J'ai fait une version féminine de Kylo Ren. Donc quand on me voit sur les salons en costume de Lady Ren, en fait, on a l'impression que je suis une femme dans... Voilà. Alors pas du tout. Ah, et les autres personnes qui ne savent pas qui tu es se font régulièrement Absolument. Avoir. Ah, ça doit être cocasse, ça. C'est assez sympa, c'est rigolo à voir. Ah bah décidément. Et oui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour la 9e SF Connexion. Mais avant tout, comment s'est passée, surtout la dernière SF Connexion ? Donc on parle de la 8e édition, c'est ça ? Oui. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois que la nouvelle équipe reprenait donc cette édition, la 8e, et ça s'est merveilleusement bien passé. Donc on a eu un record de fréquentation, donc on a atteint les 3000 personnes. On a atteint aussi un record sur le don qu'on a pu faire à un mécénat chirurgie cardiaque, donc qui avait dépassé les 2000 euros. Et tout s'est merveilleusement bien passé. Donc on a eu des invités qui ont été des très bonnes surprises, donc notamment donc un des invités qui revient cette année, qui était David Kruger, donc le comédien de doublage. David Kruger a tellement aimé le salon, a tellement aimé l'association qu'il est devenu membre cette année. Donc on a voulu l'inviter, de en faire un membre d'honneur. Il a dit non, je paye ma cotisation comme tout le monde, je deviens membre. Donc aujourd'hui on a un professionnel du cinéma qui est membre de l'association, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai, ouais. Que ça en impose. Ouais. Parce que oui, tu as parlé de mécénat chirurgie cardiaque, on n'en a pas parlé plus tôt dans l'émission, mais c'est la cause que vous portez. Tout à fait. En tout cas, pour la SF Connexion, je ne sais pas s'il y a d'autres causes que vous portez pour d'autres salons. Alors oui, pas spécifiquement sur des salons, mais après on fait des opérations un peu particulières quand on nous le demande, donc des dons du sang, on va pour Noël, pour Carnaval, dans les hôpitaux, donc voir les enfants. On avait participé à un concert. Les Virades de l'Espoir. Oui, les Virades de l'Espoir, tout à fait, cette année également, donc au nord de Strasbourg. On avait également donc participé à un concert de rock dont les profits allaient à l'achat d'un fauteuil roulant pour un petit garçon du côté de Saint-Louis, pas mal d'événements comme ça. Ah bah décidément, vous êtes ce qu'on appelle littéralement une association au grand cœur. Vous portez différents projets et le projet là qui vous tient le plus à cœur, c'est Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ça fait combien de temps que vous êtes en collaboration avec eux ? Alors si je ne m'abuse, c'est la 4e année. Donc c'est mon prédécesseur Maxime, l'ancien président, qui avait établi ce partenariat. Et oui, ça fait, lui elle l'a établi pendant 2 ans et nous ça sera la 2e année également, donc oui 4 ans au total. Et pour cet événement, parce que il y a quelque chose que les auditeurs, bon, de toute façon au bout d'un moment on parlera du prix d'entrée, mais non seulement le prix d'entrée est très bas, mais il y a la majorité de l'argent, si c'est pas la totalité de l'argent gagné pour cet événement, qui va aller à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un salon comme ça, donc déjà on a beaucoup de chance, Cernay nous offre donc la salle, donc on n'a pas besoin de la payer, donc ça nous permet d'avoir un coût très bas, mais après c'est beaucoup d'investissements, c'est plusieurs milliers d'euros d'investissement entre les animations louées, les invités qui seront présents, donc les billets d'avion, etc. etc. Donc le prix d'entrée, ça permettra de rembourser ces frais, et tout ce qu'on pourra faire ensuite avec la tombola sera reversée à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Oui, toute la recette de la tombola va à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Plus le bar et la cantine en CE. Voilà, fait aussi. Donc voilà, la majorité de l'argent quand même. Voilà. Enfin, après, une association doit bien vivre pour continuer. Pour avoir un fonds de roulement, tout à fait. Voilà, ce qui se comprend entièrement. Mais le plus gros reviendra quand même à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Enfant du monde, d'ailleurs, est-ce que... Oh, je vais peut-être laisser Martin dire peut-être aux auditeurs ce qu'est Mécénat Chirurgie Cardiaque, parce que dans tous les cas, dans l'heure des loups, on n'en a pas encore parlé. Alors, Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est une association qui permet de prendre en charge les frais d'hospitalisation pour des enfants qui ne sont pas français, qui viennent en France pour faire des soins médicaux, en fait, en hôpitaux, et qui n'ont pas les moyens, tout simplement, de se permettre la durée de l'hospitalisation en hôpital, tout simplement. Et ça couvre, en fait, si je ne dis pas de bêtises, le vol et... La chambre d'hôpital. La chambre qui coûte très cher, en fait. Ouais. L'opération, si vous voulez, est gratuite, mais la chambre d'hôpital ne l'est pas, donc ça couvre ce genre de frais. Et ça aide, comme le disait Martin, à des enfants... du monde, d'être soigné, surtout la chirurgie cardiaque, c'est quand même quelque chose d'assez délicat qui peut pas se faire n'importe où dans le monde, surtout en fonction des moyens des différents hôpitaux et des pays. Exact. Ça en fait des choses à annoncer, des choses à porter, hein. Et vous savez quoi, on va s'écouter une première pause musicale. Je suis en train de chercher. Il s'agit de Hysteria de Muse, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez discuter ou réagir, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook Radio Gamozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. On est toujours avec Arwen, Johan et Martin pour le 68e Impérial qui organise sa 9e SF Connexion le 15 et 16 décembre à l'espace Grune de Cernay. On a parlé juste avant la pause musicale, même si... Bon, généralement, du loup, c'est toujours très décousu. C'est du grand loup, les auditeurs ont l'habitude aussi. Mais voilà, ce dont on a vraiment mis, ou ce sur quoi on a vraiment mis le doigt, c'est la cause que vous portez, parce que c'est pas une convention SF pour faire une convention SF. C'est organiser au profit de mécénat chirurgie cardiaque pour les enfants du monde. Mais après tout, on a parlé de la cause que vous portez, mais pas du corps de l'événement, de comment ça va se passer ces deux journées. Alors, qui des trois se sentirait de me faire un petit peu le gros de la programmation, et après on va aller dans les détails. Et on va laisser Arwen faire, hein, c'est lui qui était en charge de la com. Alors au niveau du déroulement du week-end, en fait le festival commence à 13h pour le public. Une heure avant, il y aura une inauguration, évidemment sur invitation. Et on aura sur ce week-end-là donc trois invités. On va avoir évidemment David Kruger, qui était là l'année dernière. Et on va avoir Sarah Douglas et Corinne Lemec. Donc ce sont deux acteurs de séries et de films. Sarah Douglas, qui est une actrice qui a notamment tourné dans le film Superman en 1980 avec Christopher Reeve, qui est aussi connue pour avoir joué dans Conan le Destructeur, qui a dernièrement joué dans la série Supergirl. Et nous avons Corinne Lemec, qui lui, évidemment, est connue pour avoir joué Parker Lewis dans la série, dans Stargate aussi, dernièrement dans une série Star Trek. Donc ce sont les trois invités qu'on aura sur le week-end. Donc évidemment, ils seront là pour dédicacer leurs photos, pour pouvoir discuter avec le public. Il y aura aussi des séances dans la grande salle de spectacle où il va y avoir des animations. Donc là, je laisserai Johan, parce que lui, il est responsable des animations. Après, sur le salon lui-même, il y a une grande salle d'exposants, où comme chaque année, il y a énormément de stands, que ce soit des boutiques, que ce soit des illustrateurs, que ce soit des associations, d'autres associations. Nous invitons aussi d'autres salons à venir présenter leur festival respectif. Il y a des passionnés, il y a des artistes, il y a des créateurs, énormément de créateurs. Et dans tout le salon, il y aurait aussi pas mal d'expositions. Ça, on met un point d'honneur à faire beaucoup d'expositions sur le festival pour que les gens ne viennent pas que pour des stands de commerce. Et ce qui est important aussi, évidemment, il y aura le bar, il y aura de quoi s'alimenter, il y aura de quoi boire. L'espace en lui-même est très grand par rapport à ce qu'on avait avant. Donc les gens pourront évidemment découvrir plein de photocalls. Il y en a trois, c'est ça ? Deux photocalls. On a deux photocalls. Deux photocalls. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de coins. Il y aura des expositions où les gens pourraient se prendre en photo. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus sur la convention. C'est déjà pas mal d'informations très condensées, comme tu as dit, déjà trois guest stars qui seront là sur les deux journées. Tu as dit que les portes ouvrent samedi à 13h. À 13h, c'est ça. Quels sont les horaires en fait de ces deux journées ? Alors, sur les deux journées, nous avons le samedi de 13h à 19h30. Et le dimanche, ce sera de 10h à 18h. Je crois qu'on s'arrête à 19h. Donc c'est une heure de plus, je pense, que l'année des années. Oui, une heure de plus. Ouais. Et donc il y a une grande salle de spectacle, il va y avoir pas mal d'animations, et des animations dont une qui sera une première en France. Donc ça, Johan va vous en parler un peu plus. Et donc voilà. Eh bien justement, Johan, quelle est cette chose, cette animation inédite en France ? Alors, on travaille avec une boîte parisienne qui nous a proposé donc de mettre en place un cinéma interactif. Donc, c'est un cinéma où donc le public sera installé en salle, et il y a le réalisateur qui va venir présenter son film, un peu comme à Cannes en fait. Et manque de bol, il y a des rushs qui ont coincé, qui n'ont pas marché, et il va être obligé d'en retourner un certain nombre avec le public en salle. Et apparemment, ça se passe pas comme prévu. Ah, c'est super ça, ouais. Ça. Ah, t'as déjà vendu le truc là. On n'en sait pas beaucoup plus, hein. Il garde beaucoup la surprise. J'avais le responsable de cinéma interactif au téléphone hier. Ils ont fait leur essai, leur premier essai la semaine dernière. Il paraît que le retour est très très bon et que ça va être très amusant. Ah bah décidément, donc ça c'est vraiment pour, comment dire, l'événement inédit, donc si vous avez envie de voir une chose qui n'a encore jamais eu lieu en France, eh bien allez les samedis et dimanches 15 et 16 décembre à l'espace Grune à Cernay. Ça aura lieu sur toute la durée du week-end ou ce sera juste à un moment précis? On a prévu 3 séances par jour, donc justement pour que les gens puissent en profiter tout au long du week-end. Est-ce qu'au final, ça fera un film en lien avec l'événement ou t'en sais pas plus ? J'en sais pas plus, vraiment. Donc nous, à côté de ça, on va tourner des rushs tout au long du week-end, histoire de faire un petit film derrière. Ça, c'est en parallèle, mais je pense pas suite à cette animation. On prendra certainement nous-mêmes des vidéos, des rushs de tout ça, et histoire de monter tout ensemble pour pouvoir faire un petit best-of à la fin. D'ailleurs, bon, ça c'est une animation, mais si j'ai bien compris, vous en avez prévu d'autres. Quelles sont-elles ? Alors, on a pas mal de choses. Dans la salle où on a justement les exposants, on aura la voiture d'Harry Potter qui sera là. Donc la voiture qui sera là surtout le week-end. De la famille Weasley, c'est ça ? Voilà, exactement, la petite voiture bleue, ouais. Et c'est une Ford Anglia. Donc les gens seront invités à porter le choix-pot qui déterminera la maison dont ils vont faire partie. Et derrière ça, il y a un petit cours de magie avec... tu vas pouvoir allumer donc, les phares de la voiture avec ta baguette magique, des choses comme ça, donc des trucs assez sympas. Donc ça, c'est dans la salle de spectacle. Dans la salle d'exposition. Dans la salle de spectacle, on aura encore une initiation au doublage également le dimanche, qui sera animée donc par David Kruger. Donc c'est pareil là, donc avec Saïd, donc un autre membre qui est en train de monter justement le projet de l'initiation au doublage. On a fait un test lundi soir, c'est à mourir de rire. Donc doubler des films cultes où on improvise un peu des textes, c'est très très très sympa. Donc j'espère que les gens pourront se lâcher un petit peu là-dessus. On a également donc le samedi et le dimanche un concours de cosplay. Donc qu'une autre membre organise, donc avec des membres, des cosplayers plus ou moins professionnels, donc des gens renommés dans le domaine. Moi, je suis pas un spécialiste, donc je peux pas plus vous en parler. Mais elle a fait fort apparemment avec le recrutement du jury. Donc ça, on a ça sur les deux jours. On a également une conférence sur le paranormal le samedi et le dimanche, donc des gens de Dijon qui vont venir nous parler de la chasse aux fantômes, donc ça peut être assez sympa aussi, et les interviews des invités, voilà. Ça en fait déjà un beau programme, Martin. Alors j'ai juste rajouté une petite chose, en fait, il y a encore une animation dont on n'a pas trop parlé, c'est il y a une petite escape game aussi. Ah oui, exactement. Sur le thème d'Harry Potter, donc qui sera installée dans les locaux, donc vous pourrez participer à cette escape game et essayer de retrouver... l'énigme, en fait, et gagner un petit cadeau. Ah bah décidément, ça en fait des choses à faire. Johan, tu as parlé de concours cosplay. Il n'y a pas de thème spécifique pour ce concours-là? Absolument pas. C'est totalement ouvert à tous les univers. Donc voilà, on peut trouver de tout sur la fiche. Et pas de limite d'âge. Et pas de limite d'âge non plus. Tu veux dire par là qu'il y a, bah, y a des cosplayers assez âgés aussi qui viennent? Voilà, donc, et aussi très jeunes. Oui, si, oui, parce que je sais que j'avais vu dans une vidéo que vous pourrez voir sur leur site, il y avait un... c'est pas Saruman, c'est l'autre. Ah, c'est Gandalf. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas assez squatté le Seigneur des Anneaux aussi. Mais oui, j'ai vu un Gandalf, j'ai vu plein de personnes, parce qu'en effet, le cosplay, c'est une passion qui touche tous les âges. Tout à fait. Figurez-vous qu'on a fait, on nous a invités récemment à l'anniversaire d'une personne qui fêtait ses 90 ans, donc fan de Star Wars. Donc on a été fêté en tenue les 90 ans de cette personne, c'était très très sympa. Ah bah dis donc, ça a dû lui faire plaisir. Ouais, complètement, et nous c'était la première fois, enfin des fans aussi âgés, c'est la première fois je crois qu'on faisait quelque chose pour eux, c'était très sympa. Ah bah décidément, vous en faites vraiment des choses et des choses vraiment dans l'animation. Enfin moi, vous me donnez vraiment juste envie d'aller à cette convention. Hein. Donc les auditeurs, si vous voulez me voir, vous saurez ce que je ferai le week-end du 15 et du 16 décembre. Comme ça, c'est réglé, c'est écrit dans mon agenda. Et vous savez quoi, on va s'écouter une pause musicale suivante. Il s'agit d'un morceau de Coldplay cette fois. Le morceau Magic, qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. after all that we've been through, still believe in magic. Well, yes, I do. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107 FM. Le morceau que vous avez écouté, c'est Magic de Coldplay. Si vous voulez discuter ou réagir avec nous, hein, n'hésitez pas, parce qu'on est toujours avec Arwen, Johan et Martin du 68e Impérial. Alors vous pouvez toujours passer, comme d'habitude, via notre page Facebook Radio Gemozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. On était en train de parler, oui, des différentes animations, et des animations, il y en a pour tous les goûts. Surtout, je vois beaucoup pour les Potterheads. Aka les fans d'Harry Potter, mais il y a d'autres choses, il y a aussi des expositions. Ces expositions, Arwen, ont-elles un thème en particulier? Alors les expositions qu'on prévoit, le thème principal c'est la science-fiction. Après, cette exposition qu'on prépare dans l'espace Grune, elle ne va pas durer que le week-end en fait, de la SF Connexion. Elle va durer jusqu'au 8 janvier, c'est ça? Exact, oui, 8 janvier. Donc, elles seront présentées dans un des halls de l'espace Grune. Et il y aura évidemment énormément d'artefacts des différents membres, en fait, que ce soit des costumes, que ce soit des accessoires de costumes, que ce soit aussi des statuettes. Il y aura aussi des décors dans l'exposition, des figurines. Des figurines, des costumes complets. Ouais. Donc ça concerne plusieurs univers, évidemment, du Star Wars. Mais il y aura aussi du Marvel dans cette exposition. Du Indiana Jones, du Retour vers le futur, du Alien. Et tout ça, donc, c'est des collections. Donc il peut y avoir des posters, des figurines, j'imagine, beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup de figurines et statuettes, ouais, essentiellement. Et forcément, aucune de celles-là ne sont à vendre. Je pense que c'est important de le préciser. Non du tout, c'est les nôtres. On les garde. Johan, tu as dit qu'elles sont jusqu'au 8 janvier. L'exposition débutera pourtant bien le 15 décembre. Exact, ouais, c'est ça. Alors, la convention ferait-elle un petit peu office de vernissage? Oui, oui, on peut dire oui. Pour l'exposition, oui. Exactement. C'est un vernissage, donc on annoncera d'ailleurs qu'elle sera présente jusqu'au 8 janvier et que les gens pourront continuer à venir la voir jusqu'à cette date-là. Jusqu'au 8 janvier, bon, pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, hein, rendez-vous les 15 et 16 décembre à l'espace Grune de Cernay pour la 9e SF Connexion. Et on n'a pas encore parlé du prix d'entrée, et oui. À combien s'élève-t-il? Donc le prix d'entrée, c'est 3 euros. Donc 3 euros, et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. De 12 ans, ouais. Voilà. Donc on voulait un tout petit prix, histoire que ce soit accessible au maximum de personnes. Donc pourquoi c'est 3 euros? Donc jusqu'à présent, c'est la première année en fait où la SF Connexion va être payante. Avant ça, elle était gratuite. Cette année, donc on a fait venir, donc comme je vous disais tout à l'heure, la voiture d'Harry Potter. Donc c'est un coût, le cinéma interactif également. Donc Corinne Emec, c'est un acteur qui vient des États-Unis. Le billet d'avion est aussi un peu plus cher. Oui. Donc c'est des choses qu'on peut pas se permettre uniquement avec les fonds de l'association. Donc ce qu'on voulait aussi, c'est que une fois que les personnes rentrent dans le salon, elles n'aient plus rien à payer. Donc en fait, mis à part l'escape game où il y aura un tout petit tarif parce que c'est une société de Mulhouse qui gère ça, toutes les animations seront gratuites. C'est important de le préciser, il y a autre chose qui a un tarif assez bas et c'est aussi la cause que vous portez, c'est la tombola. Oui, exactement. Ouais. Donc la tombola, on va donc vendre nos tickets à 2 euros. Donc ce sera intégralement reversé donc, à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et on a de très très très beaux lots. Ça va de la boîte Lego Harry Potter à la peinture d'un des artistes qu'on aura présent, aux photos dédicacées, des acteurs, etc., etc. Donc il y a beaucoup de très beaux lots. Et la tombola, elle s'étend sur toute la durée de la convention ? Voilà, il y en a une par jour en fait. Donc on répartit nos lots sur les deux jours et il y a un tirage au sort en fin de journée. Ah bah dis donc, ça fait déjà un bon petit programme et tout ça encore une fois à des prix très raisonnables. C'est pour, oui, pour plusieurs raisons j'imagine, parce que la vie est chère déjà et j'imagine pour que le plus de monde puisse accéder à cette convention. Voilà, c'est vraiment pour que ce soit accessible à la plupart des gens. Alors, notre but à nous c'est évidemment de soutenir une association caritative, un mécénat de chirurgie cardiaque, mais c'est aussi partager notre passion avec le maximum de gens, avec le public. Évidemment, notre but, ce n'est pas de gagner de l'argent comme les gros Comic-Con ou ces gros salons dans des parcs expo. Nous, on reste à notre niveau, on essaie d'être le plus convivial possible. C'est notre créneau à nous. Les invités, en général, sont assez contents justement de cet accueil qu'on leur fait. Et évidemment, voilà, le prix d'entrée qui est assez bas, qui est un des plus bas de France pour un salon comme ça, en contrepartie, on fait tout pour que justement le visiteur puisse être content et puisse profiter au maximum de son week-end, pas simplement arriver dans une salle d'exposants ou participer à une animation, mais vraiment que ce soit au niveau visuel, il puisse aussi en avoir plein les yeux, quoi. Ah bah décidément, et on n'a pas parlé aussi des autres stands, parce qu'il y a des expositions, enfin il y a plein de choses, mais il y a aussi des exposants, j'imagine, artistes comme artisans. Tout à fait. Alors moi je suis déjà présent en tant qu'exposant, en tant qu'illustrateur. J'aurai d'autres collègues et d'autres consoeurs et confrères qui seront présents, illustrateurs, illustratrices, des créatrices aussi. Évidemment il y aura des boutiques, où là, justement, les gens pourront acheter des figurines, notamment pas celles qui sont exposées. On aura aussi des stands d'associations qui fabriquent leurs propres costumes, d'autres cosplayers, voilà, qui seront aussi là en tant que stand et exposants. Et en dehors de ça, il va y avoir aussi des associations pour présenter évidemment leur propre salon. Parce que nous, on est toujours invités chez les autres et nous aussi, nous invitons les autres conventions. Il y aura encore des artistes plasticiens, des fabricants donc, de costumes. Il y aura des cosplayers, ça je l'ai déjà dit. Et là, j'ai plus mémoire de ce qu'il y a encore, mais on a à peu près une cinquantaine d'exposants. Hein. Donc de stands rien que dans la grande salle. Ah, c'est pas négligeable, ouais. Ça. Et parmi les associations, on peut peut-être les citer pour leur faire leur donner un petit peu de visibilité, leur faire un peu de pub. Il me semble que parmi eux déjà il y a le Black Hole Studio qui vient. Le Black Hole Studio, voilà, qui fabrique leurs costumes, qui font des très très beaux costumes. Oui, on leur passe le bonjour s'ils nous écoutent. On leur passe le bonjour. D'ailleurs, Marie avait gagné un prix qui lui avait permis d'aller représenter la France à un grand concours de cosplay aux États-Unis. Bah, je crois que c'était cette année d'ailleurs. C'était pas pour son costume de World of Warcraft, hein. Oui, si c'est ça, ouais. C'est son costume d'orc. Ouais. Donc voilà, alors Black Hole Studio, les membres font partie donc, de la Geek on Chain. Donc c'est une association qui organise évidemment la Geek on Chain. Donc ils vont arriver à leur quatrième édition. Donc une convention plus dans le style geek, manga show, voilà. C'est vraiment une très grande convention alsacienne. Nous avons le Necronomicon aussi qui va venir, qui va être présent. Donc c'est leur deuxième édition, là au mois de février déjà. Ouais, c'est dans quelques mois. Donc c'est pareil, une très très grande convention geek. Elle se trouve à Belfort. Il va y avoir aussi Loïc Bugnon qui préside le festival Bloody Weekend, donc très très grand festival de films fantastiques et d'horreur aussi. Après nous avons une autre association qui elle présente le NCCS, c'est une petite convention de science-fiction qui se passe à Nancy, à peu près de Nancy. Donc l'association elle est représentée je ne me rappelle plus le nom du stand parce qu'à chaque fois ils changent un petit peu et en fait là ils viennent présenter une exposition sur Babylon 5. Voilà. Donc, essentiellement parce que je crois qu'un des acteurs, je crois que c'est Sarah Douglas qui a dû jouer dans Babylon 5. Ça en fait du monde avec tous ces exposants. Et si d'ailleurs il y a une autre question, comme on parle d'événements, une question que je pose régulièrement, il s'agit de nourriture. Alors est-ce que la nourriture qui sera proposée, la boisson aussi, pourra convenir à différents types de régimes alimentaires? Ouais, totalement. Donc on a fait attention vraiment à pouvoir satisfaire au plus grand nombre de personnes. Donc on aura déjà des menus végétariens. Donc malheureusement pas vegan. Hein. Donc j'ai pas encore réussi parce qu'on va servir des tartes flambées notamment. Donc des tartes flambées vegan. J'ai pas encore réussi à trouver la recette. Mais déjà on tape sur le végétarien. Ensuite des choses pour différentes aussi religions. Hein. Donc pour des gens qui vont manger kasher ou halal. Donc il y aura des choses de prévues également. Même pour les sites. Oui, mais également même pour les sites. on aura bien sûr du vin chaud, hein, qui est excellent. Des boissons sans alcool également, donc des boissons, du vin chaud, du jus de pomme chaud aux épices, du jus d'orange chaud aux épices également. Après toutes les boissons classiques, du vin. Donc j'ai des amis viticulteurs qui vont nous fournir en tant que sponsoring une bonne partie du vin, donc du vin bio, donc de la cave Umbrecht. C'est des gens très très sympa, qui font du très bon produit et qui nous fournissent donc gratuitement beaucoup de vin, donc ça c'est très sympa, donc de leur part également. Quoi d'autre? Certainement de bonnes parts de gâteaux. Oui, faites par certains membres également. Donc on a également un autre membre, Thierry Wettling, qui est pâtissier dans le nord de l'Alsace. Alors lui, il nous fournit tout le buffet pour l'inauguration. Il nous fournit également les desserts de notre repas du soir, du samedi soir, où on sera tous ensemble, en fait, tous les membres et tous les bénévoles, et également des gâteaux à mettre donc en vente à la cantina. Donc ça c'est chouette aussi. Donc il nous fournit tout ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Tout ce qui est knack, frites, panini, sandwich, etc., etc. Et nous faisons tout nous-mêmes. C'est vrai qu'en général, on n'a pas de food truck ou de sociétés extérieures qui viennent préparer la nourriture pour les visiteurs ou pour les exposants. On a toujours fait tout nous-mêmes. Ouais, voilà, moi, j'exploite mes parents pour faire les tartes flambées en fait, tout le week-end. Ah, donc c'est une forme d'esclavagisme 2.0. Exactement, mais en fait, l'Empire, c'est ça, hein, c'est de l'esclavagisme, tout à fait. Ah oui, c'est vrai, ouais. Après tout... Ouais. Qui dit Star Wars dit Empire, c'était prévisible. Surtout que, ah oui d'ailleurs, vous êtes plus de quel côté, de la République ou de l'Empire? Tous les trois, on les cite. La question ne se pose même pas en fait. Alors j'ai le côté sombre de la force avec moi dans les studios ce soir. Et le côté obscur de la force va s'écouter une dernière pause musicale. Il s'agit de The Zephyr's Song de Red Hot Chili Peppers qu'on s'écoute tout de suite et on se retrouve juste après. Did you meet your fortune teller? Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Et si vous voulez papoter, discuter avec nous, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook Radio Gamozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. Toujours avec Arwen, Johan et Martin de l'association Le 68e Impérial pour votre événement qui a lieu les 15 et 16 décembre à l'espace Grune de Cernay. Il s'agit de la 9e édition de la SF Connexion. Il y a plein de choses, hein. D'ailleurs pour les auditeurs qui ont loupé le coche, je ne peux pas tout répéter, tellement il y a de choses, tellement il y a d'animations, de toute façon ce sera dans le podcast, vous inquiétez pas. Mais, s'il y a une chose oui, à laquelle on n'a pas encore trop pensé, c'est si l'association en ce moment a spécifiquement besoin de dons, de bras, d'aide. Johan ? Alors oui, bien sûr, hein, on est toujours ouvert à toute forme de dons, que ce soit sous toute forme. Alors c'est pas forcément financier, parce que on a un petit pécule de côté donc sur le compte de l'association, mais c'est souvent des aides du type, ben voilà, on n'a pas de véhicule, pas de camionnette par exemple, pour transporter tout le matériel de façon logistique et tout ça. Donc là, par exemple, un de nos partenaires, le Cora Wittenheim, nous offre une camionnette durant tout le week-end. Martin, via une autre association, fait de même. Donc voilà, c'est des aides de ce genre qui sont très utiles en général. Donc on nous fournit principalement donc comme don de la nourriture, donc on peut servir à la cantina, mais également des lots pour la tombola. Donc ça, c'est les magasins de jouets, les grandes surfaces, les éditeurs comme Panini Comics, Delcourt, Pocket, tout ça, qui nous fournissent des livres, des BD, donc qu'on fait gagner donc ensuite donc lors de la tombola. Comme je vous disais, donc Securitas qui nous fournit un agent de sécurité, donc ça, c'est très sympa de leur part. Les Black Hole, on en parlait tout à l'heure, les Black Hole Studios qui nous fournissent les lots du concours de cosplay, donc ça, c'est très sympa de leur part aussi, etc., etc. Donc je vais pas tous les citer, mais c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce salon aujourd'hui. Donc bien sûr, là on a actuellement 25 sponsors, si on en a 25, si on en a 30, c'est encore mieux, et on fera des choses encore plus grandes grâce à eux. Donc tout don est le bienvenu, bien entendu. En tout cas, ça en fait des sponsors 25, tu m'as dit. Ouais. Ouais, donc, c'est, on a beaucoup de chance. Ah, décidément, c'est vraiment une grosse émulation autour de votre association qui se fait. Voilà, donc on est en pleine expansion. Donc moi, quand je suis arrivé en 2015, on devait être 35 membres. Là, on en a gagné en 2 ans et demi, 3 ans, 20. Donc c'est assez impressionnant l'engouement qu'il y a autour. Donc c'est génial parce que on a des nouveaux talents qui arrivent. Donc comme je vous disais tout à l'heure, David Kruger, donc, qui a rejoint l'association, mais on a également, par exemple, je pense à Patrick, un membre du sud de l'Alsace qui est photographe. Alors c'est un loisir à côté, mais il fait des photos, c'est au niveau professionnel, c'est extraordinaire ce qu'il fait, donc il a rejoint l'association. On a donc Pascal, qu'on surnomme Titou, qui est un membre près de Nancy, qui est constructeur de droïdes, donc il construit des droïdes de Star Wars et d'autres univers à l'échelle, et des répliques quasi parfaites, donc il fait un boulot de dingue. On a Saïd, j'en parlais tout à l'heure, donc Saïd a réalisé le teaser qu'on a lancé sur Facebook cette année, teaser qui a récolté 20 000 vues là, à l'heure actuelle. Donc et c'est pareil, hein, c'est du boulot avec les effets spéciaux pour 4 minutes 30, il a travaillé un mois et demi dessus. On a vraiment beaucoup de talent. Donc on a Arwen qui nous a illustré l'affiche qui est splendide et qui s'occupe de toute la com également. Donc on a plein de talents au sein de l'association qui nous ont rejoints ces dernières années. Et forcément, qui dit bah, plein de monde et plein de talents, ça permet en fait à l'association d'avancer. Enfin, est-ce que, oui, le fait qu'il y ait beaucoup de membres, ça permet qu'il y ait un certain dynamisme. Oui, exactement. Ouais. Donc il y a une dynamique. Alors, bien entendu, hein, on est une association de bénévoles, donc tout le monde intervient comme il peut, hein, rien n'est obligatoire, mais c'est vrai qu'il y a un engouement autour des sorties. Quand on rentre d'un week-end où on a passé donc un salon par exemple aux Imaginales où on était une vingtaine, on rentre, on fait un compte rendu aux autres membres, c'était génial et tout, donc il y a un engouement derrière. Oh, ben, l'an prochain je viens, tout ça. Donc le salon en lui-même, il est très très content. Pardon. Donc le salon en lui-même est très content de nous accueillir, d'accueillir encore plus de monde. Qui dit plus de monde, dit plus de costumés, dit plus d'animation. Tout le monde est gagnant à ce compte-là. Et puis aussi, ça nous permet de faire des fois même plusieurs sorties sur un même week-end, ce qu'on ne pouvait pas faire forcément avant. Plusieurs sorties, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux salons. Bah, on peut avoir, cette année, il y a eu le cas, par exemple, si je ne fais pas de bêtises, il y avait les Imaginales sur le même week-end, il y avait deux salons différents. Donc un Épinal, les Imaginales, et il y en avait un à Strasbourg en même temps, donc je ne sais plus lequel exactement. Donc il y en avait une équipe à Strasbourg, une équipe sur Épinal. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà. Il y avait la même chose avec le Bloody Weekend et la Japan Addict. Bloody Weekend d'Audincourt, Japan Addict de Strasbourg. Et c'est aussi le cas pour les sorties costumées pour des animations, que ce soit dans des grands magasins ou des sorties de films. L'année dernière, au mois de décembre, on a eu le cas avec Star Wars. Donc là, on était divisé carrément sur plusieurs salles. Sur quatre cinémas, ouais. Le même jour. Donc l'intérêt d'avoir autant de membres... Dès décembre 2017, jusqu'au 21 décembre, on a fait 19 sorties. Autrement dit, quasiment tous les soirs. Je passais plus de temps, pour ma part, en costume qu'en civil. Ah bah c'est vraiment une dynamique. Vous êtes partout, on vous demande partout aussi, et vous partagez vraiment cette passion de base sur Star Wars, mais au-delà, sur le monde de la science-fiction, plutôt cinéma, si j'ai bien compris, en général. Donc tout ce qui est Star Wars, Star Trek, Harry Potter, ou peut-être pas beaucoup de Star Trek, je crois. Moins Star Trek, mais... Il y en aura aussi un peu. Parce que j'ai vu un Spock sur un de vos teasers, je me suis dit, je me tâte. mais voilà, plein d'univers. Il y aura un stand, justement, Laurent Gonnel, qui lui est un grand fan de Star Trek, et qui vient avec ses aquarelles. Donc là, on aura un illustrateur spécial Star Trek. Et on aura même un stand, ça s'appelle Perry Rodan, c'est un peu à l'origine de la science-fiction. Hein. C'est vrai. C'est quelque chose qui vient d'Allemagne, et ça existe toujours actuellement, et ils ont 50 ou 60 ans d'existence, je ne sais plus, c'est quelque chose d'assez fou, et ils seront également là donc, pour parler de leur univers, donc un peu particulier, et si vous voulez, donc, c'est un univers dont tous les autres se sont inspirés ensuite. Ah bah dis donc, ça en fait des choses, mais dans tous les cas, si on veut vous voir, si on veut vous rencontrer, si on veut discuter avec vous, rendez-vous les 15 et 16 décembre à l'espace Grune de Cernay. Alors pour les horaires d'ouverture, donc ce sera le samedi de 13h à 19h30 et le dimanche de 10h à 19h. Le prix d'entrée par journée est de 3€, ce qui est très très bas. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, hein, je récapitule. Et la tombola, pour ceux qui veulent soutenir la cause mécénat chirurgie cardiaque pour les enfants du monde, c'est là à 2€. Il y a à manger, il y a à boire, il y a plein d'animations pour tout le monde, et des rencontres avec, je rappelle, David Kruger, Sarah Douglas et Corinne Nemec. Oui, je crois que j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Ouais. Donc plein de choses pour ces deux jours condensés à Cernay. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire aux auditeurs que n'hésitez pas à y aller. Oui, on vous attend. Avec grand plaisir. Et dans tous les cas, pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, on pourra voir vos actualités sur votre page Facebook, le 68e Impérial, qui sera indiqué avec le podcast de l'émission sur Facebook, où vous avez aussi votre site internet www.impérial68.com, là où aussi on voit un petit peu vos actualités, vos informations, là où on retrouve un petit peu tout. Je crois qu'on a... on a tout résumé, si je ne me trompe pas. On a fait un grand tour. Ouais, voilà, tout à fait. Le grand tour étant terminé, ça va déjà malheureusement être l'heure de se dire au revoir. Et ça y est, on entend le générique. Donc, qui dit générique, dit moment de faire la programmation de la soirée. Alors, comme on est mercredi, on retrouvera à 20h une émission Nothing But The Blues, émission musicale, une petite nouveauté. Puis à 21h, ce sera Vivre et créer la montagne avec Vincent. Musique jusqu'à demain matin, 7h-8h, pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera en podcast dès ce soir sur notre site internet radiogemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Gemozo. Comme j'ai dit, dans tous les cas, votre page Facebook, vos sites internet seront tagués. D'ailleurs, je crois même, Arwen, comme tu es illustrateur professionnel, je vais taguer aussi ta page à toi. Merci. Que les auditeurs puissent voir aussi ton travail à toi. Et j'en suis à la programmation. Demain, ce sera jeudi, donc dès 8h, vous aurez l'occasion d'écouter Michel pour sa chronique Non, hebdomadaire. Oui, hebdomadaire. Et enfin, 8h30, Marion pour sa matinale. On se retrouvera demain soir, 18h, 19h, mais pas en direct. Elle a été enregistrée en avance. On va parler de santé avec Mathilde des chroniques du vendredi matin et Thomas Defranou alias Hitman. Alors, je vous en dis pas plus, mais c'est une émission qui a été très, très, très intéressante. Dans tous les cas, les garçons, Arwen, Johan et Martin, c'était un plaisir. Merci d'avoir fait la route. Merci moi. Avec plaisir, merci de nous avoir merci accueillis. Merci de votre accueil. Et beaucoup de courage pour ce week-end qui sera bien entendu répété dans le billet de sortie émission du vendredi comme d'habitude. En attendant, merci d'être venu, bonne soirée, bon retour et bonne soirée aux auditeurs. Bonne soirée. Merci, bonne soirée, bye bye. À vous.